Yeah, yo, 2008 live in direct du Bunker. Avec ma main DJ PPPPR. J'en place une pour les petits frères de la planète 7. Ici c'est Kerim. Ma jeunesse, hein. Ma jeunesse, elle veut faire des lovés pour innover. Elle se voit gavée, elle même pas le brevet. Hein, elle leur peint le pavé, elle dit pas ave. Elle va se soulever avant de crever la génération dépravée. Elle traîne en bas des blocs, elle pille à vie, elle smoke. Elle fuck, elle colle porte, désolé si ça te choque. Elle kiffe pas trop le rock, veut de l'or, pas du talk. Elle en a sous le froc et puis de tout elle smoke. Elle rêve d'un JQ7, ça voit le sky tout sec. Pile au bec, elle part trop à un sucette. Ok, attaque à la machette, à la facile gâchette. Elle connaît plein de cachettes, fini le temps de la chaussette. Elle est triquée de boîte, fout le bordel quand elle squatte. A souvent les mêmes moites, elle t'emplâtre avec une droite. Elle a pris le fa chaud, elle réagit à chaud. Elle s'est souvent fait pécho, elle connaît le cachot. Elle veut sauver sa peau, elle porte son drapeau. Elle paye toujours plein pot, on lui fait porter le chapeau. Elle conduisait trop vite, ils lui ont baisé le permis. Elle tape pour une dermie pour plus retourner au tarmis. Elle kiffe le rap français, toujours dans ses pensées. Elle aime aussi danser dans ses soirées ambiancées. Elle est un peu stressée, drogue pour décompresser. À force d'être oppressée, elle va se dresser pour agresser. Elle respecte les anciens, elle les appelle cousins. À ce qu'il faut sous le coussin, elle fête pas la Toussaint. Elle bicrave du chichon, elle charbonne à ED. Recherche les gros nichons, supporte pas les pédés.